C'était le 29 août 2016, il y a 6 ans, le tout premier numéro d'une nouvelle émission quotidienne sur France Culture, La Méthode Scientifique. C'était évidemment un défi de taille, trouver une nouvelle façon de raconter les sciences, et nous avions choisi de débuter par une série d'entretiens avec des scientifiques de renom, au premier rang desquels Yves Coppens. Je me souviens, dans la légère et néanmoins bien réelle anxiété des débuts, de l'incroyable bienveillance d'Yves Coppens, qui avait immédiatement accepté notre invitation à devenir le parrain de ce nouveau programme. Bienveillance, douceur, bonhomie, humour, vous allez l'entendre dès les premières secondes. Yves Coppens prend la parole et glisse une anecdote. Il fera tout pour me mettre à l'aise, pour accompagner cette première avec toute la bonne volonté et l'enthousiasme qui étaient les siens. C'est évidemment avec ce souvenir et une émotion certaine que nous avons appris hier sa disparition et décidé de vous proposer de réécouter cette émission inaugurale. 6 ans après, les mots d'Yves Coppens résonnent toujours aussi juste. Sa sympathie, son goût pour le mot juste, sa curiosité et sa générosité dans la transmission du savoir, des valeurs auxquelles nous avons tâché en 6 ans d'émission de toujours rester fidèles. Et oui, tout au long de cette première semaine d'émission, nous serons accompagnés de parrains et de marraines qui se pocheront avec bienveillance forcément sur le berceau de la méthode scientifique. Et le premier d'entre eux est le plus célèbre homme des cavernes. Il est sorti de la sienne pour venir nous parler de l'humain précisément et de ce qui nous constitue en tant qu'humain. Parce que l'humain, voyez-vous, n'est pas qu'une espèce, c'est une construction sociale, anthropologique, démographique, éthique, migratoire même, et j'en passe. Alors, comment sommes-nous devenus humains? C'est le vaste problème que nous allons tenter de résoudre dans l'heure qui vient avec Yves Coppens. Bienvenue dans la méthode scientifique. Merci. Et bonjour Yves Coppens. Bonjour. Oui, je voulais vous dire quelque chose tout de suite. Alors, dites-nous quelque chose tout de suite. Oui, vous m'avez présenté comme un homme des cavernes, et c'est pas tellement faux, parce que le jour où, en 2010, Frédéric Mitterrand, m'a nommé à la direction, à la présidence du conseil scientifique de l'ASCO, il a dit, alors je ne sais pas si c'est une erreur ou si c'était volontaire, je veux à cette présidence, non pas un préhistorien, mais un préhistorique. Eh bien, avant de nous immerger dans ce grand bouillon des sciences avec vous, Yves Coppens, on pourrait dire de la soupe primordiale, hein, si on veut rester dans une sorte d'unité thématique avec l'émission du jour, je voudrais dire quelques mots tout de même préliminaires à vous, pour vous le présenter au premier chef, ainsi qu'à nos auditeurs, pour raconter ce que va être cette méthode scientifique tout au long de l'année qui débute, émission qui va être séquencée donc autour de grands thèmes, hein, qui vont organiser la semaine, je vous le disais à l'instant, le lundi sera donc consacré à l'humain et aux humains. On va parler de paléontologie, d'anthropologie comme aujourd'hui, mais aussi d'autres semaines de biologie, de santé et de médecine, de tout ce qui concerne le vivant. Le mardi sera dévolu à la planète et aux planètes. On parlera d'écologie, d'environnement, de géologie, mais aussi d'astrophysique et d'espace. Le mercredi sera consacré au futur singulier et pluriel, hein, autant de dans le domaine des nouvelles technologies, de l'informatique, de la robotique et de l'intelligence artificielle, ainsi que tout ce qui contribue à forger le monde de demain. Le jeudi, on parlera d'histoire, là encore singulier et pluriel, histoire des sciences, épistémologie, mais aussi histoire des lieux de recherche et des entretiens avec de grands scientifiques. Et enfin, le vendredi, pour finir, vous retrouverez en alternance une semaine sur deux, une table ronde consacrée à l'actualité des sciences et de la recherche, et une autre à la fiction et au rapport entre la science, les sciences et la création, avec chaque semaine un journal des sciences proposé par l'indispensable Michel Alberganti. Toutes les sciences auront donc voix au chapitre dans la méthode scientifique, et nous sommes donc ravis, et ravis c'est peu dire, d'avoir pour tout premier parrain Yves Coppens. Alors Yves Coppens, comment faut-il vous présenter? Le Merci. Nombre de casquettes que vous avez est pléthorique. Vous êtes avant tout paléontologue, mais il faut dire, paraît-il aujourd'hui, paléo-anthropologue. Vous êtes évidemment professeur au Collège de France. Comment est-ce qu'on peut vous définir ou vous résumer cette carrière en paléontologie? Non, mais paléontologue, je trouve ça très très bien, parce que vous savez, paléo-anthropologue, ça veut dire au sens propre celui qui étudie les plus vieux humains. Or, paléontologue, c'est celui qui étudie les plus vieux vivants, ou en tout cas ceux qui ont été vivants, dont les humains. Et lorsque sur le terrain, vous avez la chance d'être sur un site où il y a de très vieux humains, en général, vous en trouvez un morceau sur 5 tonnes de restes d'animaux. Donc, si vous voulez faire seulement de la paléoanthropologie, il faut être très patient. Et en l'occurrence, il vaut mieux être paléontologue pour pouvoir travailler un petit peu en attendant de trouver le fameux morceau que l'on attendait. Et je vous dis ça, c'est un peu statistique, parce que dans le sud de l'Éthiopie, j'ai travaillé au bord d'un grand fleuve qui s'appelle l'Omo. Et j'ai travaillé 10 ans là-bas et il y avait beaucoup de fossiles. Et sur 50 tonnes de fossiles, j'ai donc des statistiques qui ont quelques valeurs. Et puis on va voir par ailleurs que entre l'humain, le vivant, entre le primate et l'hominoïde, la distinction est souvent ténue, floue, imprécise, et que aujourd'hui encore, des débats subsistent pour savoir ce qui relève du champ de l'humain et ce qui relève du champ du grand primate et de nos ancêtres. D'ailleurs, l'une de vos dernières publications, Yves Coppens, s'intitule « Devenir humain au pluriel ». C'est un ouvrage collectif que vous avez dirigé aux éditions du Musée de l'Homme et aux éditions Autrement. Un ouvrage que vous commencez par la phrase suivante « Être humain est un état, devenir humain est tout un processus, toute une histoire ». Alors expliquez-nous quelle est cette différence entre l'être et le devenir humain. Oui, ben c'est simple. Lorsque l'on est naturaliste et lorsque l'on étudie au fil du temps l'évolution des êtres vivants, on part à une certaine époque de 10 millions d'années. Je suis modeste, hein, je pourrais partir bien avant. Mais à partir de 10 millions d'années, par des êtres qui sont pré-humains, c'est-à-dire qui sont déjà debout, mais ils ont encore une petite tête, un petit cerveau et ce qui va avec. Et puis, on arrive à 3 millions d'années. J'en étais à 10, hein. Là, on arrive à 3 millions d'années. On fait déjà des grands sauts dans le temps. Oui, des grands sauts, mais je pourrais affiner ça. On va l'affiner dans quelques instants. Mais en tout cas, on arrive aux humains à 3 millions d'années pour une simple raison de changement climatique. Autrement dit, c'est très darwinien. Le préhumain devient humain tout simplement pour s'adapter à un grand coup de sécheresse qui lui arrive. Et comme il s'adapte, au lieu de s'adapter par ses dents, au lieu de s'adapter par ses pattes, il s'adapte par sa tête. Et le fait de s'adapter par sa tête complique considérablement son cervelet aussi d'ailleurs, son encéphale en général. Complique, ça veut dire qu'il y a beaucoup plus d'irrigation, qu'il y a beaucoup plus de circonvolution, qu'il y a beaucoup plus de matière aussi, de volume. Et ceci va lui faire passer un seuil qui va en faire l'humain dont je parlais dans « Devenir humain ». C'est-à-dire qu'au départ, c'est un animal comme les autres et qui réagit comme les autres. Et puis qui, grâce à ce coup de peau, si j'ose dire, enfin, je ne sais pas si c'est un coup de peau. Un coup de peau un peu forcé par l'évolution climatique. Je ne sais pas, j'en sais rien. En tout cas, pour nous, c'est un constat. Hein. En tout cas, grâce à cette transformation du cerveau au lieu de celle de la patte, il va se mettre à réfléchir au point d'avoir la prétention de comprendre l'univers, quoi. Et puis on voit bien que l'une des questions que vous traitez, ou en tout cas autour de laquelle vous tournez, vous et les personnes que vous avez appelées à contribuer à cet ouvrage, est précisément ce qui, à un moment donné, va, dans le parcours évolutif de l'homme, nous séparer de l'animalité, ce qui va à un moment donné marquer cette transition qui n'est jamais une transition nette. Il n'y a pas pour le moment d'endroit où on dit « Ah, avant ça !» nous sommes primates, après ça, nous sommes humains. Il y a une zone qui est une zone grise et qui est encore une zone contestée, Yves Coppens. Oui, c'est ça. C'est une continuité. C'est une continuité en volume, en quelque sorte. Il est bien évident que la tête du bonhomme aujourd'hui et sa réflexion est très, très démarquée de celle du grand singe qui le précédait, qui l'accompagnait. Mais ceci étant dit, il n'y a pas de rupture claire entre ici on est chez les animaux et ici on est chez les humains. Ça se fait de manière douce et facile à comprendre, finalement facile à comprendre. Oui, je voulais dire un mot de ce bouquin. C'est très habile, cette série Autrement, pour l'ouverture du Musée de l'Homme. Pour la réouverture l'année dernière. C'est ça, en octobre l'année dernière. A pris un certain nombre d'auteurs, m'a demandé d'être l'auteur principal, l'auteur pivot, si j'ose dire, autour duquel tournaient les gens qui ont fait partie du comité d'organisation de ce Musée de l'Homme. Et chacun s'est exprimé, et j'ai respecté bien sûr leur expression, en les présentant de manière très simple chaque fois, et je n'ai pas eu de revendication de la part des auteurs à propos de mes présentations. Il y a une autre phrase qu'on retrouve dans ce livre, mais qu'on retrouve d'ailleurs à plusieurs endroits dans vos écrits ou dans vos interviews, et que j'aimerais que vous explicitiez, parce que elle peut avoir l'air assez cryptique au premier abord. Cette phrase, c'est « L'homme est homme dès qu'il est homme ». Alors, il faut Copain, expliquez-nous, parce que quand on l'entend, on le lit presque a priori comme au contraire une sorte de rupture. C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'homme devient un homme, il est un homme. Expliquez-nous cette phrase. Oui, vous savez, dans la nature, un et un ne font pas deux. Quelquefois, c'est plus compliqué que ça. Et les Anglais disent ça très très, très bien. Ils disent « Sometimes more is different ». C'est-à-dire, vous avez un tout petit peu de quelque chose de plus et ça devient quelque chose d'autre. Alors, oublions l'homme et descendons autour de 4 milliards d'années. À 4 milliards d'années dans l'eau sur la Terre, de simples molécules s'agglutinent, et elles s'agglutinent sous une forme qu'on n'a pas encore très bien saisie, mais peut-être que l'argile y est pour quelque chose. Une membrane se met autour, ça devient une entité, ça devient une unité. C'est-à-dire qu'il y a tout d'un coup un extérieur et un intérieur, il y a tout d'un coup un échange de matière et d'énergie entre l'intérieur et l'extérieur et entre les éléments en question, et ça devient une cellule. La cellule se met à vivre, ça c'est quand même étonnant, c'est-à-dire qu'elle se met à se reproduire, et elle se met à se reproduire et à s'adapter, et toujours contrôlée d'ailleurs par un système héréditaire. Et là aussi, il y a à la fois continuité et discontinuité, c'est difficile à dire, hein. Mais c'est tout à fait continu et il se passe quelque chose. Et au moment où on passe de l'animal, si on peut dire, il y a 10 millions d'années. Et l'homme, il se passe quelque chose parce que l'homme a cette curieuse attitude de se mettre debout parce qu'il fait plus sec, c'est complètement stupide. J'ai pas à juger, hein. Mais il s'est mis debout. Et alors, comme il s'est mis debout et s'est mis à marcher, il a continué à grimper. Et du coup, il a mangé des fruits en l'air et puis il a mangé des racines à terre. Et puis, tout ceci a changé à la fois sa stature, son système d'équilibre, son alimentation et puis son cerveau, naturellement. Parce qu'il y a toujours un cerveau pour gérer tout ça. Ce que vous décrivez finalement, c'est qu'il y a tout de même, malgré tout, un vrai moment de rupture, c'est-à-dire une sorte de frontière entre un avant et un après. Et dès que l'après débute, dès que l'homme devient un homme, c'est-à-dire que d'un seul coup, il est complètement humain et complètement différent de ce qui a été précédent, son état précédent. Quand je dis l'homme est homme dès qu'il est homme, c'est un petit peu plus tard, c'est autour de 3 millions d'années, c'est à cause ou grâce à cette espèce d'augmentation considérable du système nerveux central. Le cerveau est quand même l'organe qui a grossi le plus et dans le minimum de temps de tous les organes connus de tous les êtres vivants depuis 4 milliards d'années. C'est quand même étonnant, notre grosse tête. Hein. Je regarde la vôtre, là, je suis impressionné. La vôtre est certainement bien plus pleine que la mienne. Vous avez ajouté des choses autour des oreilles, puis des choses autour des yeux. Je me suis augmenté un peu, là, oui. Des lunettes et un casque. Pour ce qui concerne la paléontologie, Yves Coppens, il y a quelque chose quand même d'assez intéressant, c'est que on est face à une science, à un champ scientifique qui est tout de même très instable. C'est-à-dire que depuis votre découverte de Lucie en 1974, la connaissance des origines de l'homme a été secouée. Vous-même, vous avez fini par infirmer une théorie que vous aviez émise, qui était la théorie de l'East Side Story, hein, celle de la vallée du Rift. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que la paléontologie est plus stable, que les grandes classifications sont plus stables qu'elles n'étaient hier, ou est-ce qu'au contraire on continue d'avancer un peu à l'aveugle en proposant des théories, en les réfutant? Ben, il y a les deux, hein. La science n'est faite que d'avancées, de grandes avancées et de petits reculs, si j'ose dire, dans les meilleurs des cas, mais ça a toujours été comme ça. Et en l'occurrence, il est évident que en tant d'années, et Lucie 74, c'est quand même pas d'hier, il y a eu beaucoup de découvertes qui ont apporté plus d'âge à ces préhumains. Lucie avait 3 millions d'années, aujourd'hui on en est à 7. Et de manière... Avec Toumaï, 7 millions d'années, Toumaï qui est l'ancêtre le plus ancien que l'on ait découvert. Avec Toumaï, quand on anticipe un tout petit peu, on peut parler de 10 millions d'années. Je vais vous dire pourquoi. C'est un petit peu technique, mais c'est intéressant. Dans les dents des mammifères de 10 millions d'années, on trouve des plantes qui représentent déjà des sortes de gazon, des sortes de prairies. C'est-à-dire que le paysage s'ouvre. Et si le paysage s'ouvre, il faut s'adapter à cette ouverture. Et cette ouverture, c'est celle qui caractérise les hommes. Donc grâce à l'émail des dents des mammifères, on n'a pas encore trouvé le bonhomme correspondant, mais on sait que le paysage s'ouvre. On peut dater l'évolution du paysage, du climat, et donc, rétroactivement, on peut dater l'apparition des premiers hominoïdes. C'est ce que vous êtes en train de dire. C'est ça. Et moi, ce qui m'a toujours frappé dans ce métier, et m'a d'ailleurs ravi, c'est le côté mémoire des choses. Les choses, les objets sont étonnamment chargés de mémoire. Et l'essentiel dans les techniques dont on parlera peut-être tout à l'heure, c'est justement d'arriver à lire cette mémoire et lire de mieux en mieux cette mémoire. Et cette mémoire, elle est loin d'avoir été épuisée. Et finalement, de proche en proche, on en sait de plus en plus, en étudiant simplement ce que nous a laissé la nature et en en détruisant pourtant pas mal. Alors l'homme, quand je dis l'homme est homme dès qu'il est homme, c'est parce que je pense que pour les raisons de développement du cerveau dont je parlais tout à l'heure, il a eu tout de suite, toutes les grandes facettes de ce qui fait l'homme aujourd'hui, c'est-à-dire la facette intellectuelle, la facette spirituelle, la facette technologique, la facette esthétique, la facette éthique, la facette morale, tout de suite. Alors évidemment, je n'ai pas la possibilité de le démontrer. Mais comme entre 3 millions d'années, qui est son apparition, et aujourd'hui, il n'y a pas de grande transformation, il y a toutes les chances pour que ça évolue dans le sens de l'augmentation, mais que ça n'ait pas changé. Oui, c'est ce qui vous fait écrire. Nos questions d'aujourd'hui sont identiques à celles que se posait le premier homme. Entre lui et nous, il y a des nuances, mais pas de rupture. Nous sommes toujours dans la première humanité, celle qui est religieuse dès son origine et n'a cessé de l'être. Et justement, vous parliez des objets. Vous définissez l'un des points de bascule vers l'apparition des formes d'art. Et vous dites... Par exemple, Yves Coppens, le sacré naît avec la première pierre taillée. Pourquoi est-ce que vous rapprochez immédiatement le sacré de cet âge de pierre, de la taille du silex? Oui, c'est un symbole en quelque sorte. Vous vous rendez compte, hein, le bonhomme, moi je voudrais bien construire des statues à son effigie et à sa gloire. Le bonhomme qui a eu l'idée de prendre un caillou et au lieu de s'en servir directement, d'en prendre un autre, et au lieu de se servir des deux directement, de taper avec l'un sur l'autre, il a fabriqué une troisième forme, il a créé une troisième forme. Et cette création, au sens propre, c'est déjà une forme de symbole, donc une forme de sacré, si l'on peut dire. Moi, je suis nul en philosophie, hein. Alors peut-être que sacré est mal employé, mais symbole, en tout cas, certainement. Et en l'occurrence, ce bonhomme a été le premier qui a créé ce symbole. Et finalement, il n'y a pas de symbole sans homme et d'homme sans symbole. Et ceci doit démarrer avec le premier homme. Et entre le premier silex taillé et le premier instrument de musique, où nous allons le voir, il n'y a qu'un pas. La méthode scientifique, Nicolas Martin. Parce que à 16h20, Yves Coppens, chaque jour, figurez-vous que nous avons cette ambition un peu folle de mettre la science en son et en image. Vaste chantier, et ce grâce à un reportage de l'équipe de la méthode scientifique qui va vous donner à entendre, qui va essayer en tout cas de vous donner à entendre la science vivante, la recherche en train de se réaliser sous vos oreilles, et justement en musique. Pour ce premier reportage, signé Antoine Beauchamp, qui est un peu, comme vous allez le voir, le cobaye de la méthode scientifique. Bonjour Antoine. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Alors pas encore de blessure pour ce premier sujet, quoique vous n'êtes pas passé loin, comme on va l'entendre dans un instant. Vous vous êtes rendu en Alsace à la rencontre d'une archéomusicologue. Oui, elle s'appelle Tinaï Clodoret-Tissot, elle est docteure en ethnologie et en préhistoire, et elle consacre l'essentiel de ses recherches à l'archéologie musicale. Elle n'a pas choisi la voie de recherche la plus évidente, puisque dans le cas de la préhistoire, on connaît rarement la fonction première des instruments. Est-ce qu'ils avaient une fonction uniquement mélodique? Est-ce qu'ils servaient à communiquer? Est-ce qu'ils avaient une fonction cultuelle? On ne sait pas. De même qu'on ne connaît pas les mélodies que pouvaient jouer nos ancêtres préhistoriques. C'est un peu musique dans la brume ce que vous nous décrivez. Alors à défaut de certitude, Antoine, qu'est-ce qu'on peut discerner de nos ancêtres à travers ces instruments? Eh bien, l'intérêt est double. D'abord, ces reconstitutions permettent, comme vous allez l'entendre, de redécouvrir des techniques utilisées pour faire sonner des instruments, mais ces reconstitutions rendent aussi possible l'écoute de sonorités propres à une époque qui nous échappe encore sur de très très nombreux plans. Je vous propose donc de troquer vos écouteurs contre des coquillages, de vous installer confortablement dans votre fauteuil en laine de mammouth. Ça y est, vous y êtes bien. C'est bon. Un vol de vautour plane dans le lointain, l'orage approche, un tigre à dents de sabre passe devant l'entrée de la grotte. Vous entendez l'appel? On y va. Il est évident qu'un objet, un instrument de musique, n'a pas la même fonction sociale dans toutes les sociétés qui s'en servent, où il est en usage aujourd'hui, mais l'intérêt, c'est de comprendre justement ce contexte social de l'instrument qui nous échappe pour la préhistoire. On se base évidemment sur les vestiges d'instruments de musique. Et là, le plus ancien à ce jour, c'est un instrument qui ressemble à une flûte, qui possède quatre, voire à l'origine 5 trous de jeu, qui a été fabriqué, façonné dans un radius de rapace, de vautour, et qui a été découvert dans le Jura Souabe en Allemagne. C'est un instrument qui a été daté du tout début de l'Aurignacien, c'est-à-dire 35 000 ans avant Jésus-Christ. Je pense qu'on peut peut-être écouter cette hypothèse de reconstitution de la flûte de Hohlefels. Et donc du coup, on a supposé qu'en mettant, en plaçant cette petite languette d'écorce de bouleau, collée avec de la cire d'abeille, une colle qu'utilisaient les hommes de la préhistoire, on pouvait rapidement obtenir des sons. Donc là, l'instrument ne s'appellerait plus flûte, on le désignerait plutôt par le nom de clarinette. Alors évidemment, quand on a réalisé une hypothèse de reconstitution, l'important, ça nous permet de connaître l'étendue des sons des plus graves aux plus aigus. Malheureusement, ce qui nous échappe, et ce qui nous échappera toujours pour ces périodes, c'est le registre de l'instrument, c'est-à-dire les signaux qu'il pouvait émettre, les mélodies, les rythmes. Donc, a fortiori, la musique elle-même du paléolithique, nous ne pouvons pas la connaître. La plupart des instruments avant, comme les sifflets et les flûtes, sont des instruments qui servaient à imiter, reproduire des sons qu'on entend dans la nature, et donc servaient également dans la chasse. Il y a aussi des instruments dont on pense qu'ils étaient utilisés comme des instruments cultuels. Et je pense là justement au rombe, qui est, dans la plupart des sociétés traditionnelles qui l'utilisent toujours aujourd'hui, un instrument qui s'entoure d'interdits, de tabous, et qui sert principalement aux cérémonies d'initiation et des rites de passage, à toutes ces cérémonies qui ont un lien avec la mort. Le rombe était un instrument qui ressemble à une petite plaquette, très fine, peu large également. Elle présente à l'une de ses extrémités une perforation qui sert à passer à une corde, une lanière de cuir, ou bien cette corde pouvait être aussi en matière végétale ou en boyau. Alors, je vais vous faire écouter. Est-ce qu'il faut que je m'éloigne ? Peut-être un peu, parce qu'il ouais. Le rhombe est... Ça fait son effet, j'ai peur. Ça aussi, c'est pas utile. Alors, qu'est-ce que c'est, ça? Alors, en réalité, André le Roi Pouvant, quand ils ont fouillé à Étiole, ils ont trouvé une vingtaine de lames de silex, un dépôt, ce qu'on appelle un dépôt de lames, qui étaient posées, des lames qui font jusqu'à 15-20 cm de long, qui étaient posées les unes à côté des autres. Et une des hypothèses d'André le Roi Gourand, c'était que ça a pu être ce qu'on appelle un lithophone. C'est l'équivalent du xylophone, mais en pierre. Il faut savoir que le silex a une acoustique intéressante et que le premier geste d'ailleurs du tailleur de silex, c'est de vérifier si son bloc est de bonne qualité en le frappant à l'aide d'un percuteur. Ensuite, cette hypothèse est intéressante dans la mesure effectivement où on peut se poser la question si les hommes du paléolithique ont utilisé ces lames de silex comme instrument de musique. Maintenant, voici ce que donne un ensemble de lames brutes de débitage en silex qui sont heurtées juste à l'aide d'un petit percuteur lui-même en silex. La flûte que je tiens dans la main, c'est une reconstitution d'une flûte en cubitus de vautour qui a été malheureusement découverte en plusieurs morceaux dans la grotte d'Isturitz, Pyrénées-Atlantiques. Cette flûte pouvait être jouée sur deux registres et cette reconstitution nous permet également d'obtenir des réponses quant aux techniques de jeu possibles. Alors, soit on place la flûte sous les lèvres et on obtient effectivement une série de sons. Soit on peut également utiliser sa lèvre comme une hanche lipale et souffler à la manière ainsi qu'on le ferait dans une trompe. Quand je reconstitue l'instrument, je suis toujours assez excitée et curieuse d'entendre les sons qu'il va pouvoir produire. Et c'est vrai que c'est assez émouvant finalement de découvrir ces sons et finalement de rendre un petit peu vivant, de redonner vie, et redonner le souffle finalement à l'objet qu'on a trouvé et qui a été façonné il y a 35 000 ans. Voilà le premier reportage signé Antoine Beauchamp pour La Méthode Scientifique. Yves Coppens, qu'est-ce que ça vous évoque cette... Plein de choses. D'abord, toutes mes félicitations à cette jeune femme parce que c'est une recherche difficile, c'est une recherche qu'elle a très très bien menée. J'ai une première chose à dire, c'est l'oreille de la girafe ou l'oreille de l'éléphant. Lorsque dans la savane, ils ont entendu pour la première fois ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire les gens frappés sur des cailloux pour en fabriquer d'autres. C'est un son aigu, c'est un son assez acide et qui était nouveau. Ils ont dû tendre l'oreille en disant « qu'est-ce que c'est que ça ? On n'a jamais entendu ça ». Et d'autre part, comme à peu près à ce moment-là, probablement à ce moment-là d'ailleurs, est apparu le langage articulé. Comme vous savez, l'homme auparavant faisait des gestes ou criait, et en ce sens, il était bien entendu et bien compris de toute la faune. Et à partir du moment où il a eu le langage articulé, il s'est mis à être bavard comme il n'est pas permis. Donc si vous mettez des bavards dans les hautes herbes et qui en même temps tapent le caillou, ça fait des sons tout nouveaux dans la savane. C'est tout nouveau, c'est tout extraordinaire. Alors par ailleurs, je pense que la percussion a dû être très ancienne. Parce que la percussion, elle vient d'elle-même, c'est le rythme, et le rythme entraîne de la danse, entraîne les festivités, etc. Et je crois qu'il y a des pierres qui ont dû jouer le rôle d'instrument bien avant ceux que, à juste raison, cette jeune femme prend comme telle, pour des raisons de réalité scientifique. C'est intéressant, puisque vous évoquez la danse, Yves Coppens, autant effectivement trouver des traces d'instruments, c'est un travail qui est accompli, autant attester de pas rythmés, donc de traces de danse, c'est plus difficile. Pourtant, vous avez fait des fouilles ou des recherches dans les grottes de Niaux qui attesteraient, selon vous, c'est une des hypothèses que vous avez avancées, de traces de danse. Alors ça remonte à quelle époque et comment on peut l'interpréter, interpréter cette trace ? C'est pas moi d'abord, c'est un de mes collaborateurs qui s'appelait Michel Garcia. Et Michel Garcia, qui est mort d'ailleurs très jeune pour des raisons professionnelles probablement, à force de fouiller, vous savez, c'est comme les mineurs, on aspire de la poussière et la poussière fait des dégâts dans les poumons. Et il a dû se faire opérer d'un poumon d'abord et puis ensuite des deux, puis il est mort. Donc Michel Garcia était spécialisé dans les moulages, et il moulait les sols des grottes. Et dans beaucoup de sols de grottes, il a repéré des traces de pas. La plupart des traces de pas étaient des pas d'adolescents, ce qui est intéressant parce que les grottes à ce moment-là correspondent peut-être à des sanctuaires où se faisaient les initiations de passage de classe d'âge. On est à quelle époque à peu près dans l'histoire de l'humanité ? On est entre 30 000 et 10 000, entre 30 000 et 10 000. Donc on est très tard, on est chez Homo sapiens déjà. Très tard, ça dépend de ce qu'on étudie. Hein. Pour le roi Gourand, dont c'était la spécialité, c'était très très tôt. Quand il regardait mes australopithèques, il les voyait comme des vilains sauvages du fond des âges, bien sûr. Donc ça dépend de sa spécialité. Mais par ailleurs, ce que je voulais dire, c'est que dans certaines grottes, en effet, mais c'est pas à Niaux, je crois que c'est à Fontanay, Michel Garcia avait repéré des pas rythmés, comme si le rythme était en effet la traduction, parce que l'empreinte, qui est une science particulière d'ailleurs, qu'on appelle l'ichnologie, l'étude des empreintes apprend beaucoup de choses. En général, on trouve des objets, et les objets, on les étudie et on essaye de les interpréter, mais trouver des pas, c'est très vivant les pas. Les traces de pas, les empreintes de pistes, les empreintes de danse à plus forte raison. Et je ne sais plus dans quel... Il me semble que c'est à Fontanay qu'il avait trouvé donc des pas rythmés qui correspondaient dans certains secteurs de la grotte à des danses correspondant à ces initiations. Quand on voit aujourd'hui ce que font les Australiens, lorsqu'ils peignent, forcément... Ils chantent et ils dansent en même temps. Alors le chant, c'est autre chose. Et le chant, j'ai toujours la même histoire, parce qu'on n'a pas avancé beaucoup. Mais j'ai quelque chose à vous dire qui est amusant. C'est un physicien qui m'avait dit un jour, tu sais, aujourd'hui, les travaux de physique sont très élaborés. Et grâce au radar, on peut repérer des tas de choses. Par exemple, si ton bonhomme est en train de graver quelque chose... son corps vibre, son silex vibre, et le fond de sa gravure vibre. Et peut-être qu'au fond de cette gravure, moi, avec mon radar, je peux repérer quelques chansons, quelques mélodies, etc. Alors on en est resté là, peut-être que ça se fera un jour. En tout cas, sur les poteries, c'est plus facile, parce que les poteries se font autour, c'est presque des disques. Mais sur les gravures, c'est quand même plus ingrat. Mais encore une fois, les objets ont plein de mémoire. Donc tout est permis, tout est permis. Et puisqu'on parle de mémoire, j'aimerais pour conclure cette partie de cette première partie de la méthode scientifique, vous parlez d'une autre notion que je trouve assez séduisante que vous avez développée à plusieurs reprises sur le devenir humain, c'est c'est celle de l'allongement des projets. Une capacité de projection, une inscription dans le temps moyen, puis long, que dénotent déjà les premiers outils, oui, les premiers silex. Expliquez-nous ça, Yves Copin. C'est-à-dire qu'il y a une idée qui est simple et qui, sans doute, se fait comme ça, qui s'observe encore aujourd'hui, d'ailleurs. Moi, je vois des gens dans la nature, hein, j'ai vécu dans la nature des dizaines d'années, et je voyais les gens avoir besoin d'un caillou, le ramasser, taper dessus pour en faire quelque chose de plus utile, et puis l'employer immédiatement, puis le jeter aussitôt après. Donc c'est vraiment un emploi immédiat. Lorsque le bonhomme faisait des bifaces, c'est-à-dire ces beaux outils symétriques, souvent il soignait beaucoup la fabrication, et comme il soignait la fabrication, il était d'autant plus attentif à la conservation de ces objets. Et ces objets, il devait y faire très attention, plus attention qu'à d'autres, même s'il taillait vite. Et peut-être quelquefois, enfin on l'a vu, il y a des outils qui sont brisés et qui sont refaits, qui sont en quelque sorte réparés, récupérés, oui c'est ça. Donc là, ça rallonge un petit peu le temps et puis aussi le temps de se rendre à la carrière qui quelquefois n'est pas très drôle. Et puis ensuite, je sais pas, les peintures, les gens les ont faites sûrement pour plusieurs générations et ils ne se sont pas rendu compte que 30 000 ans après, on les retrouverait encore. Et les peintures, on les trouve en général chargées d'un liant. C'est-à-dire que, en plus de la poudre elle-même, la poudre d'abord est traitée, elle est quelquefois chauffée, elle est toujours mélangée pour avoir des teintes différentes, et elle est toujours liée à de la terre, souvent d'ailleurs, à de l'argile, enfin, à des choses qui la fixent en quelque sorte. Comme vous avez des fixateurs quand vous faites de la peinture, quoi. Et ça a si bien marché que c'est encore là aujourd'hui. Et puis, je m'amusais en disant qu'aujourd'hui, on sait que le soleil, dans 5 milliards d'années, s'éteindra, donc on a intérêt à se dépêcher pour trouver une solution pour la Terre. Et on peut prévoir des choses très à l'avance. Moi, je disais un jour à Sarkozy, non pas que je fréquente les chefs d'État comme ça à tire-larigot, mais il se trouvait que c'était à Sarkozy. Je lui disais, vous savez, la Turquie entrera de toute façon dans l'Europe, que vous le vouliez ou pas. Et alors, évidemment, ça l'a un petit peu troublé. Et je lui ai dit, la Turquie entre comme un coin, littéralement comme un coin dans l'Europe de l'Est, ce qui pousse d'ailleurs toute l'Europe vers l'Atlantique et le bout de ma Bretagne encore plus loin dans l'océan Atlantique. Et en l'occurrence, il m'a dit, et dans combien de temps? Ben, je lui ai dit, 30 ou 40 millions, c'est fait, quoi. 30 ou 40 millions d'années, c'est fait. Ça l'a rassuré, je crois. You know I had to show a caveman how to rock. They son Bam Bam told me have a seat, sit and eat and talk. They fixed Brontosaurus burgers, but I don't eat pork. Then we dipped in the car, bounced up the street, took off my shoes and gave them to him, 'cause driving gotta be murder on your feet. Barney said he knew about a party being thrown by Joe Rockhead and left for Charlie. Now everybody was down, so we trooped to the set in peace. I brought my mic in case it's time to get wrecked. God said throw your clubs in the air and wave them like you just don't care. The crowd got hype when I rocked the mic. So let me hear you say yeah if you a troglodyte. All that night they couldn't stop coming over, giving me props. Yeah, I showed a caveman how to rock. Méthode scientifique, Nicolas Martin. 16h40 sur France Culture à Show the Caveman How to Rock. J'ai montré à un homme des cavernes comment rocker. Alors, je n'ai pas montré comment rocker à Yves Coppens, mais nous allons poursuivre notre conversation pour ce premier numéro de la méthode scientifique. Yves Coppens, qui est le premier donc des quatre parrains et marraines qui nous accompagneront tout au long de cette première semaine. Alors Yves Coppens, cette émission ne s'appelle pas, vous l'imaginez bien, la méthode scientifique tout à fait par hasard. Hein, nous souhaitons, nous allons essayer en tout cas chaque jour d'interroger l'évolution des pratiques scientifiques, celles induites par les progrès techniques bien sûr, mais aussi par les apports de nouveaux domaines de recherche, par le croisement des données entre différents champs scientifiques. Est-ce que vous pourriez qualifier, vous, votre propre méthode scientifique, si tant est qu'il y en ait une définissable, celle qui aurait présidé à la majeure partie, sinon à la totalité de votre démarche expérimentale en tant que scientifique paléontologue, Yves Coppens? C'est-à-dire que ces méthodes, non, je peux pas en définir une parce qu'il y en a beaucoup. Et ces méthodes ont évolué considérablement. Je peux parler de la plus simple qui est l'expérimentation. C'est-à-dire que l'on a appris à tailler comme taillait l'homme préhistorique. Et du même coup, on a appris à voir quel avait été le premier coup donné, puis le deuxième coup, puis le troisième coup, etc. pour comprendre la méthode. Et ça a été dû au fait qu'on a trouvé des ateliers. Dans ces ateliers, on a retrouvé toutes les pièces en place. Et les pièces, une à une, on a fait les remontages pour partir de l'objet taillé jusqu'à remonter au galet ou à la pièce d'origine, quoi. Par ailleurs, les progrès de l'imagerie ont été considérables, bien sûr. Vous vous rendez compte que quand on faisait des rayons X, c'était déjà tout à fait extraordinaire, et que j'ai des collègues, je pense à Denis Cigogneau, qui, pour étudier des reptiles extrêmement anciens d'Afrique du Sud, s'était offert, parce qu'il y en avait beaucoup, le luxe de découper cet objet, enfin ce fossile en morceaux, et d'étudier chacun des morceaux pour reconstituer une 3D. Aujourd'hui, on n'y touche plus. Aujourd'hui, sur l'ordinateur, vous voyez apparaître la pièce. Vous voyez quelquefois d'ailleurs pas apparaître la pièce, vous voyez apparaître la gangue, ce qui l'entoure, et puis en approfondissant apparaît la pièce. La pièce, vous pouvez l'étudier comme si vous l'aviez sur votre bureau. Vous pouvez la sortir en 3D avec un système stéréolithographique, c'est-à-dire que avec une petite machine à côté qui grave au fur et à mesure, vous sortez la pièce en volume. Et cette pièce, si vous la voulez multiplier par 10, vous la sortez multipliée par 10, c'est-à-dire qu'avant même qu'elle soit sortie de son caillou, elle est là sur votre bureau. C'est incroyable. Moi, à l'époque où je travaillais sur la capacité des crânes, je faisais des mesures épouvantables, on mettait des liquides à l'intérieur pour essayer de voir quel était le volume. Aujourd'hui, il me suffit d'envoyer un scan à travers le cerveau, sans toucher au crâne, pour avoir toutes ces dimensions dans toutes ces directions et d'avoir le volume sans y avoir touché. Quoi. C'est pas invasif du tout. Quand on parle de l'imagerie, est-ce que les progrès en termes d'imagerie et de reconstruction numérique, de reconstitution des visages aussi, ça a été quelque chose pour vous de très gratifiant de pouvoir avoir accès à ces images, à ces projections imaginaires, mais en tout cas basées sur des données anthropométriques réelles, oui. Des visages de nos premiers ancêtres? Oui, alors il est évident d'abord qu'il faut étudier un peu ce qu'on appelle les parties molles. C'est-à-dire en fonction des insertions sur les ossements, ce que sont les muscles, ce qu'est le tissu conjonctif, quelle est l'épaisseur du tissu conjonctif, qui varie en fonction des populations, en fonction des régions et en fonction des climats et des environnements. Ceci dit, je vais vous dire souvent, on s'en fiche. Enfin. C'est-à-dire que vous n'avez pas du tout été ému la première fois que vous avez vu une reconstitution théorique du visage de Lucie. Non, on est sans doute trop sec en science, et ce qui nous intéresse, c'est de situer la pièce dans le temps, de la situer dans la filiation, de comprendre sa place dans toute l'histoire de la vie et de la Terre et du monde, Et je comprends que ce soit intéressant de reconstituer le visage, de tenter de reconstituer non seulement le visage, mais le corps, pour avoir une meilleure idée de ce à quoi ça représentait, ce que ça représentait. Ceci dit, pour le public, c'est essentiel. Pour les reconstitutions filmées ou les reconstitutions, sous la forme de BD ou d'autres choses, c'est essentiel. Il faut que les gens vivent. D'ailleurs, lorsque j'ai fait avec Jacques Balatère a fait lui-même d'abord avec moi, ces films qui ont eu beaucoup de succès, dont l'Odyssée de l'espèce, il était bien obligé de faire vivre les gens. Et le succès a été fantastique. Et je me suis posé un petit peu la question de savoir pourquoi il avait été fantastique. Tout simplement parce que moi, auparavant, je présentais avec ma petite tête de scientifique mes conférences avec un bout d'os dans une main et un bout de caillou dans l'autre, en pensant que c'était suffisamment clair. Et en fait, de mettre les gens sur pattes et de montrer au public que ces gens étaient finalement pas très différents d'eux, qu'ils avaient aussi leurs émotions, qu'ils avaient aussi leur joie, leur tristesse, etc. Ça a rapproché beaucoup les gens de la préhistoire ou la préhistoire des gens, enfin c'est pareil. Et c'est ça qui a fait le succès. On les a vus vivre. Et ça, je comprends qu'en ce sens, ce soit très intéressant. Mais si je vous ai dit ça de façon un peu violente, c'est parce que le propos habituel dans les laboratoires de la recherche n'est pas tellement orienté vers ça, quoi. Pour bien comprendre comment le travail des chercheurs a évolué avec les années, figurez-vous que nous avons la chance d'avoir une sorte de caverne d'Ali Baba ou plutôt de machine à remonter le temps via les archives du CNRS Images, qui est le partenaire d'ailleurs de l'émission. Et pour ce premier bond dans le passé, vous allez entendre une voix qui vous est peut-être familière, puisqu'il s'agit de la vôtre, Yves Coppens, dans un documentaire de 1976. Je sors. Un documentaire intitulé Hadar 1975, ou les techniques de terrain. C'était peu de temps après la découverte de Lucie. Vous êtes retourné avec Maurice Taïeb et Donald Johansson sur le site d'Hadar en Éthiopie. Écoutez. On dit au public, c'est fantastique, on a trouvé un homme de 3 millions d'années. On dirait au public que c'est fantastique, on a trouvé un homme de 300 millions d'années, ça lui ferait le même effet, quoi. Parce Exactement. Que de toute façon, il ne se situe pas relativement à aujourd'hui et relativement au temps en général. Le temps, c'est une notion très difficile à attraper et à garder, surtout. On décrit une espèce et on s'étonne dans la description que cette espèce n'ait pas déjà les caractères du descendant, en oubliant souvent la distance de temps qui sépare cette espèce du descendant. Par exemple, le Kenyapithèque, que certains auteurs pensent être à l'origine de l'homme, lointaine, puisqu'il a 15 millions d'années, est associé aux premiers outils. Et la réponse que fait toujours le public à ça, c'est comment peut-on attribuer ces outils à cet homme-là, et comment peut-on considérer ce primate comme un homme, puisque aujourd'hui le chimpanzé fait des outils semblables. Mais entre celui-là et le chimpanzé, il y a 15 millions d'années, il y a une quatrième dimension qui passe à côté de l'esprit. C'était bon, hein? ces propos datent de 1976. Il ne faut pas vous les tiendriez exactement de la même façon aujourd'hui. Non, parce que le Kenyapithèque, en fait, s'est avéré ne pas être celui que l'on imaginait. Les pierres qu'on lui attribuait n'étaient pas tellement taillées, et donc on est revenu un petit peu sur nos pas. Et d'autre part, on s'est aperçu que, contrairement à ce que l'on pensait au départ, où on pensait que l'origine était tropicale, ce qui est toujours vrai, mais qu'elle était largement africano-asiatique ou asiatico-africaine, elle s'est avérée strictement africaine d'abord, avant de s'étendre au monde entier ensuite. Donc, c'est typique de la science, hein. On essaye d'avancer un peu, on se trompe, on revient en arrière. Et ça, c'est dû au fait de quelque chose qui est arrivé après, qui est arrivé en 81 ou 82 dans un congrès. C'est-à-dire qu'un collègue est arrivé avec la face d'un de ces Kenyapithèques, qui en l'occurrence en Asie s'appelle Ramapithèque, et il a dit, voyez, je me suis trompé, c'est pas du tout un ancêtre de l'homme, c'est un ancêtre de l'orang-outan, ce qui paraissait beaucoup plus logique. Et puis d'autres travaux avaient été faits en même temps, qui sont amusants. On avait broyé des dents de Ramapithèque. Donc on est là aux alentours de 3 millions et demi d'années, on est dans la famille des Australopithèques. On est autour, plus que ça. Plus que ça, 4 millions. Oui, plus que ça. On est autour de 10-15 millions. Oui, largement plus que ça. Oui, là, on était parti de loin. Et là, l'histoire, vous allez voir, est amusante. On a confié à un chimiste des dents de fossiles. Il ne faut jamais faire ça. Parce que qu'est-ce qu'il en a fait? Il les a broyées tout de suite. Il en a fait de la poudre et il a injecté cette poudre. Il était en Californie, il s'appelle Lovenstein. Et il a injecté cette poudre à des lapins. Et les lapins ont réagi. C'est-à-dire que les lapins ont fabriqué des anticorps et des antigènes, vis-à-vis de ces antigènes. Et en l'occurrence, alors que ces restes avaient 15 millions d'années, quoi. C'est-à-dire que c'était encore actif d'une certaine façon. Et ensuite, ça a été testé vis-à-vis d'antigènes d'orang-outan, de chimpanzés, de gorilles, d'humains. Et c'est avec l'orang-outan que ça a le mieux marché. Et donc, on a abandonné cette idée de l'Asie au bénéfice de l'Afrique. Je précise pour nos auditeurs que donc chaque semaine, hein, vous pourrez retrouver sur la page internet de la méthode scientifique une archive vidéo du CNRS Images, et que la première sera mise en ligne aujourd'hui. Elle s'intitule Néandertal à Bruniquel. Je voudrais dire un mot, il nous reste pas énormément de temps, mais je voudrais tout de même dire un mot dans l'évolution justement des techniques, Yves Coppens, sur la paléogénétique qui a beaucoup changé la façon de faire, et qui ouvre des pistes qui bouleversent un peu le métier ou la méthode, en tout cas, du paléontologue que vous êtes. Oui. Bouleverse peut-être pas, mais apporte beaucoup de choses, oui. Vous avez dit quelque chose que j'aimerais retrouver dans un instant. Vous avez dit que à un scientifique à qui vous dites qu'une expérience est possible mais qu'elle peut être néfaste ne reculera jamais, moi-même, si j'en avais la possibilité, je serais tout à fait capable de me lancer dans le clonage d'un homme préhistorique. Ça veut dire qu'on va revoir des Néandertals un jour, mais où? Au zoo, dans la rue? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait avec cette histoire du clonage de nos ancêtres, Yves Coppens? Je vais y venir, mais je reviens à la paléogénétique. La génétique a fait des progrès considérables. Aujourd'hui, les meilleurs généticiens, les meilleurs paléogénéticiens remontent à autour du million d'années, ce qui est considérable. Ils ne trouvent pas l'ADN en entier parce que l'ADN est très fragile, donc ils trouvent des brins et puis ils s'arrangent pour que les brins se rajoutent les uns aux autres sans qu'il y ait trop de succession, mais plutôt des recouvrements. Et ils sont arrivés à près de 80%, 70% du Néandertal, par exemple, de l'ADN de Néandertal. Oui, alors ce que je voulais vous dire, c'est que si on veut faire un jour une commission de sages, surtout qu'elle ne soit pas faite que de scientifiques. Parce que les scientifiques sont tellement passionnés, bien qu'étant humanistes, si on leur dit c'est possible, c'est pas possible, c'est possible, c'est pas possible, c'est peut-être dangereux, c'est peut-être inoffensif, de toute façon ils le feront. Et en ce sens, je me sens tout à fait scientifique, parce que si vous me confiez quelque chose de dangereux, je crois que j'essaierai d'abord pour voir ce que ça fait. Ça veut dire que donc vous pensez attention vraiment... attention à moi. Vous pensez vraiment que l'avenir de la paléontologie passe par comme des projets qui sont des projets en cours, hein, le clonage du mammouth laineux. On a parlé récemment de tenter de ressusciter aussi d'autres espèces éteintes comme la tourte voyageuse. Récemment, encore plus récemment, le grand pingouin. On va revenir vers la recréation d'espèces éteintes. Oui, c'est pas encore très très au point, bien sûr, mais la paléogénétique permet justement des reconstitutions de ce genre. Il y a plusieurs méthodes d'ailleurs pour refaire ça. Il y a des méthodes simplement de retrouver du sperme et de congeler et de le réinjecter, ça c'est facile. Et puis, il y a des possibilités de recoudre les nucléotides qui manquent pour constituer des ADN entiers, et puis mettre ça dans des cellules en subtilisant le noyau d'une cellule d'un être vivant, et puis en lui glissant, mine de rien, le noyau qu'on a fabriqué, il se peut qu'il y ait des choses tout à fait étonnantes. Mais en tout cas, moi, je crois qu'il faut le faire, parce que ensuite, on fera attention à ce qu'on fait, mais ça peut déboucher sur des découvertes tout à fait extraordinaires, et il n'est pas question d'y renoncer. On arrive dans les dernières minutes de cette émission. On voulait vous soumettre à une expérience, Yves Coppens, pour terminer. En votre qualité de parrain, vous êtes la première personne soumise à cette expérience à l'aveugle. Écoutez. Cher Yves Coppens, bonjour. Aujourd'hui, nous sommes évidemment sur le paradigme africain. Les origines de la lignée humaine sont en Afrique, comme celles d'ailleurs des chimpanzés. Mais actuellement, il y a, me semble-t-il, un biais dans lequel les paléo-anthropologues se complaisent. Ils disent à chaque fois que si nous avons un fossile entre 7 et 5 millions d'années qui marche debout, donc qui est bipède, qui a des aptitudes à marcher debout, donc forcément, il est sur la lignée donc humaine qui donnera ensuite les australopithèques et nous. Mais justement, tous marchent debout. Toumaï, Aurorine, mais également Ardipithecus, qui est plus proche de la lignée des chimpanzés. Donc ne croyez-vous pas qu'effectivement, à vouloir toujours chercher un ancêtre bipède plus ancien est un biais qui aujourd'hui ne nous permet pas de bien comprendre cette question très difficile des origines communes, donc du dernier ancêtre commun, à nous et aux chimpanzés. Expérience à l'aveugle, Yves Coppens, vous avez reconnu. Oui, alors je dirais à Pascal Pic que non. Parce qu'il y a derrière l'os l'histologie, il y a aussi le tissu osseux, et lorsque le tissu osseux correspond à quelqu'un qui se redresse de temps en temps, mais de temps en temps seulement, alors que d'autres se redressent de manière permanente, le tissu se présente de manière différente. Il est soit sous la forme de grandes lignes verticales pour les gens qui grimpent, et il est sous la forme de lignes croisées lorsque la bipédie est permanente. Et la bipédie permanente, elle existe bien sûr chez les oiseaux, elle existe aussi chez les dinosaures, mais en ce qui concerne les primates, de manière permanente, je dis bien, elle n'existe que chez les hominidés. C'était, vous l'avez reconnu, une question donc de Pascal Pic, un paléoanthropologue, maître de conférence au Collège de France. Un tout dernier mot, Yves Coppens. Vous partez où la semaine prochaine, dites-nous? Je pars chercher des mammouths au Kamchatka. C'est pas tout tendre, parce que c'est pas très, très proche d'abord. Et puis le climat n'est pas très facile non plus. Mais voilà, j'espère bien ramener un spécimen pour pouvoir le cloner. Gratter un peu, pourquoi pas, gratter un petit peu les terres russes de l'extrémité extrême orientale de la Sibérie. Merci beaucoup, Yves Coppens, d'avoir été le parrain de ce tout premier numéro de La Méthode Scientifique. Vraiment, merci infiniment. On a été ravis de vous accueillir. Je rappelle l'un de vos nombreux ouvrages, Devenir humain, que vous avez dirigé avec des collaborations, entre autres, d'André Pichot, Gilles Pison, Evelyne Heyer, Gilles Boeuf et même Lilian Thuram. C'est aux éditions du Musée de l'Homme et aux éditions Autrement. Également, Le présent du passé, la collection de vos chroniques sur France Info, aux éditions Odile Jacob. Merci également à l'équipe de La Méthode Scientifique, Eve Etienne, Antoine Beauchamp, Noémie Naguet de Saint-Vulfran, Céline Lausanne, Léo Quentin, à la réalisation Elisabeth Miro, à la technique Lucas Vaillant et Julie Guéroux au droit d'auteur.